silence et le message, je prends tous les parents de voir leurs enfants à l'école. L'éducation des enfants est la seule alternative pour sortir de cette crise. Merci, groupe Tafriste. Après le groupe Tafriste, nous allons demander à un grand monsieur, un homme qui nous a proposé juste sans musique, de chanter une chanson sans musique. Mesdames et messieurs, vous êtes très chers. Restez en ordre. Vive beaucoup de gens. Merci. À votre place, s'il vous plaît. À votre place. À votre place. À votre place, s'il vous plaît.